Le lendemain, au lycée, je n'éprouvais pas le besoin de raconter à René, à qui je disais tout, ma journée du dimanche. Mais je n'étais pas d'humeur à supporter qu'il m'oraillât de n'avoir pas embrassé Marthe en cachette. Autre chose m'étonnait, c'est qu'aujourd'hui, je trouvais René moins différent de mes camarades. Ressentant de l'amour pour Marthe, j'en ôtais à René, à mes parents, à mes sœurs. Je me promettais bien cet effort de volonté de ne pas venir la voir avant le jour de notre rendez-vous. Pourtant, le mardi soir, ne pouvant attendre, je suis trouvé à ma faiblesse de bonnes excuses qui me permissent de porter après dîner le livre et les journaux. Dans cette impatience, Marthe verrait la preuve de mon amour, disais-je, et, si elle refuse de la voir, je saurais bien y contraindre. Pendant un quart d'heure, je courus comme un fou jusqu'à sa maison. J'entrai dans la maison. Je demandai à la domestique si madame était chez elle. Presque aussitôt, madame Grangier parut dans la petite pièce où l'on m'avait introduit. Rougissant, je priai madame Grangier de m'excuser de la déranger à pareille heure, comme s'il eût été 1 heure du matin. Ne pouvant venir jeudi, j'apportai le livre et les journaux à sa fille. « Cela tombe à merveille, me dit madame Grangier, car Marthe n'aurait pu vous recevoir. Son fiancé a obtenu une permission, 15 jours plus tôt qu'il ne pensait. Il est arrivé hier, et Marthe dîne ce soir chez ses futurs beaux-parents. » Je m'en allais donc, et puisque je n'avais plus de chance de la revoir jamais, croyais-je, m'efforçais de ne plus penser à Marthe, et, par cela même, ne pensant qu'à elle. Pourtant, un mois après, un matin, sautant de mon wagon à la gare de la Bastille, je la vis qui descendait des nôtres. Elle allait choisir dans des magasins différentes choses en vue de son mariage. Je lui demandai de m'accompagner jusqu'à Henri IV. « Tiens, dit-elle, l'année prochaine, quand vous serez en seconde, vous aurez mon beau-père pour professeur de géographie. » Vexé qu'elle me parlât études, comme si aucune autre conversation n'eût été de mon âge, je lui répondis aigrement que ce serait assez drôle. Elle fronça les sourcils. Je pensais à sa mère. Nous arrivions à Henri IV. Et, ne voulant pas la quitter sur ses paroles, que je croyais blessantes, je décidai d'entrer en classe 1 heure plus tard, après le cours de dessin. Je fus heureux qu'en cette circonstance, Marthe ne montra pas de sagesse, ne me fit aucun reproche, et plutôt sembla me remercier d'un tel sacrifice, en réalité nul. Je lui fus reconnaissant qu'en échange, elle ne me proposa point de l'accompagner dans ses courses, mais qu'elle me donna son temps, comme je lui donnais le mien. Nous étions maintenant dans les jardins du Luxembourg. 9 heures sonnèrent à l'horloge du Sénat. Je renonçai au lycée. J'avais dans ma poche, par miracle, plus d'argent que n'en a d'habitude un collégien en 2 ans, ayant la veille vendu mes timbres postes les plus rares à la bourse aux timbres qui se tient derrière le guignol des Champs-Élysées. Au cours de la conversation, Marthe m'ayant appris qu'elle déjeunait chez ses beaux-parents, je décidai de la résoudre à rester avec moi. La demie de 9 heures sonnait. Marthe sursauta, point encore habituée à ce qu'on abandonna pour elle tous ses devoirs de classe. Mais, voyant que je restais sur ma chaise de fer, elle n'eut pas le courage de me rappeler que j'aurais dû être assis sur les bancs de Henri IV. Nous restions immobiles. Ainsi doit être le bonheur. Allons, accompagnez-moi dans les magasins, puisque vous êtes décidé à ne pas aller en classe, dit Marthe, faisant pour la dernière fois allusion à ce que je négligeais pour elle. Je l'accompagnai dans plusieurs maisons de lingerie, l'empêchant de commander ce qui lui plaisait et ne me plaisait pas. Par exemple, évitant le rose, qui m'importune et qui était sa couleur favorite. Après ses premières victoires, il fallait obtenir de Marthe qu'elle ne déjeuna pas chez ses beaux-parents. Ne pensant pas qu'elle pouvait leur mentir pour le simple plaisir de rester ma compagnie, je cherchais ce qui la déterminerait à me suivre dans l'école buissonnière. Elle rêvait de connaître un bar américain. Elle n'avait jamais osé demander à son fiancé de l'y conduire. D'ailleurs, il ignorait les bars. Je tenais mon prétexte.